parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamnée. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on ne peut de n'importe quoi. Printemps, moi l'automne, mon cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée.